toute preuve en main, par Hugh Pendockstar. Déjà suivi de fort près, depuis le début du procès, par les lecteurs de la grande presse, le litige consécutif au testament de Roy Budd et Asher suscitait maintenant un intérêt qui dépassait les limites de l'État et provenait essentiellement de la personnalité des parties en présence. Mort à l'âge avancé de 87 ans, le Dekuyus avait rédigé son testament une année environ avant de mourir. Il avait eu une vie longue et honorable, fertile en activités édifiantes et philanthropiques, bien que la validité de son testament fût aujourd'hui mise en cause pour incapacité mentale. En raison de ses recherches scientifiques et des traités magistraux dont il était l'auteur, le professeur Roscoswell, demandeur et neveu du défunt, jouissait d'une grande créance, tant à l'étranger que dans la métropole. C'était un homme dans la force de l'âge auquel ses travaux hautement techniques avaient déjà apporté de substantielles récompenses. Mais le personnage le plus intéressant du petit drame était peut-être la défenderesse, Miss Alice Asher, nièce du testateur, qui, selon les clauses du testament, recevait l'héritage d'un demi-million de dollars, le neveu ayant été exclu pour la bonne raison qu'il possédait une ample fortune alors que sa cousine était sans le sou. Mais si les poches de la nièce étaient vides, à moins que les dispositions testamentaires de son oncle fussent effectivement ratifiées, elle avait été en revanche dotée par la nature d'une grande beauté, et pour autant qu'il fût possible d'en juger au cours du procès, d'une féminité extrêmement attirante. Jusqu'au décès du testateur, les relations entre l'oncle et le neveu avaient été fort amicales, le professeur Quell étant l'un des hôtes les plus fréquents de feu Reuben N. Asher. Les tout derniers faits, non les moindres, susceptibles d'attirer l'attention de la presse sur le procès, étaient d'une part l'intervention, pour assister le professeur Quell, de Walter Rixley, célèbre pour avoir obtenu à maintes reprises l'invalidation de testaments portant sur d'énormes successions, et d'autre part celle pour la jolie défendresse du vétéran de la profession Ezra Stackpole Butterworth, fondateur d'une agence spécialisée dans les litiges épineux, dont la présence dans une affaire laissait prévoir que l'on sortirait des sentiers battus de la loi. L'apparition de Mr. Butterworth dans un procès, quel qu'il soit, suffisait à exciter considérablement ces messieurs de la presse. À l'ouverture du procès, le surrogate n'avait pu se défendre d'un certain malaise, car il avait été déjà battu en brèche à plusieurs reprises par le vieil homme de loi, dont l'habileté et les méthodes inattendues avaient plus d'une fois obtenu le rejet des décisions de la cour par un tribunal supérieur. Mais à mesure que se succédèrent les auditions des témoins et que Mr. Butterworth, défenseur d'une cause qui s'avérait normale, se voyait contraint de se cantonner dans une attitude normale elle aussi, les appréhensions du substitut se dissipaient et à la fin de la deuxième semaine, il portait sa robe noire officielle avec une visible satisfaction. Après qu'il eût été procédé à la lecture du testament, Mr. Rixley s'était mis à attaquer avec une telle énergie la capacité du testateur, appelant témoin après témoin à attester devant le tribunal les actes bizarres du défunt et se conduisant avec une telle assurance, que plus d'une fois, Mr. Butterworth s'était penché vers son long et anguleux assistant pour lui dire « Jesuel, notre ami a certainement un atout dans sa manche, veillez au grain !» La maison de campagne du testateur étant plutôt isolée, la thèse du demandeur reposait essentiellement sur les témoignages fournis par les domestiques et quelques-uns des voisins les plus immédiats. Pendant 15 jours, les témoins défilèrent à la barre et, sous la foi du serment, déclarèrent que dans chacun des exemples cités, la conduite excentrique du défunt leur avait paru totalement irrationnelle. Avec une assistance implacable et une grande habileté, Mr. Rixley accumula ses preuves jusqu'à ce que, par pure et simple lassitude, le substitut déclara enfin « Je ne pense pas qu'il soit utile d'entendre encore d'autres témoins de cette catégorie. Mr. Rixley, nous ne faisons qu'accumuler de simples répétitions des faits déjà reconnus. » Exultant, Mr. Rixley sourit à son client et répliqua. « Je considère que les preuves sont entièrement concluantes dans leur état actuel, mais comme il ne me reste à interroger qu'un seul témoin de cette catégorie, je désire néanmoins, si j'ose m'exprimer ainsi, l'offrir à la cour par-dessus le marché. » « Très bien, continuez, » acquiesça la cour. « Miss Tubbs, veuillez vous rendre à la barre, je vous prie, » dit l'avocat demandeur. Miss Tubbs, une petite grosse au visage masculin, s'avança lentement jusqu'à la barre des témoins, en se composant une mine farouchement impassible. Après avoir expliqué qu'en sa qualité de gouvernante du défunt, elle avait été depuis 2 ans en position d'observer quotidiennement sa conduite, elle déclara qu'elle n'y avait rien relevé d'anormal jusqu'à une certaine date antérieure de 3 mois environ à la rédaction du testament. C'était, pour être plus exact, le soir du réveillon de Noël que Miss Tubbs avait conçu ses premiers doutes sur le bon état des facultés mentales de son maître. « Faites-nous un rapide exposé des circonstances, » dit gentiment Mr. Exley, tandis que le professeur Quell manipulait nerveusement sa courte barbe grise sans quitter des yeux le visage du témoin. « Il m'a paru très excité et m'a dit de sonner le garçon d'écurie, » expliqua le témoin. « Étiez-vous présente lorsque l'homme est venu en réponse à cet appel ?» demanda Mr. Exley, contemplant le plafond d'un œil débonnaire. Miss Tubbs répondit par l'affirmative et répéta « Mr. Asher paraissait très excité. » J'ai laissé passer sans objection la première spéculation du témoin quant à l'état d'esprit du testateur, intervint sèchement Mr. Butterworth. Et bien que je sache pertinemment que ces opinions n'auront aucune influence sur votre honneur, je suggère que le témoin de ce borne a raconté ce qu'elle a vu et entendu et veuille bien laisser à la cour le soin de tirer ses propres conclusions. Ayant reçu les instructions correspondantes, le témoin reprit la parole avec mauvaise grâce. Mr. Asher a dit alors au garçon d'écurie d'atteler 3 chevaux à la voiture de promenade et d'aller à la gare de correspondance, à quelques 5 kilomètres de là, chercher son neveu et un ami que le professeur Quell amenait avec lui pour le week-end. Mr. Exley poussa un profond soupir de satisfaction et demanda doucement « Quel temps faisait-il à cette époque, Miss Tubbs ?»« Il y avait eu de lourdes chutes de neige ce jour-là. Il y en avait 50 ou 60 centimètres sur toutes les routes. » « Qu'a fait ou dit le garçon d'écurie ? Avez-vous l'intention de produire également le garçon d'écurie ?» s'informa Mr. Butterworth. « Il a quitté l'État et n'a pu être retrouvé, » expliqua l'avocat demandeur. « Continuez, Miss Tubbs. » Le garçon d'écurie s'est mis à jurer que son maître était fou et a fini par se rendre à la gare en traîneau. Qui a-t-il ramené ? Personne. Il est revenu dans une colère folle. Il a dit qu'il n'y avait personne à la gare et que le maître avait dû rêver. « Demandez-lui, je vous prie, si le professeur Quell n'est pas arrivé le lendemain matin, » intervint Mr. Butterworth. « Ne vous inquiétez pas, nous y venons, » s'exclama Mr. Exley. Le témoin dit que le demandeur était effectivement arrivé le matin de Noël dans un véhicule de louage, que le défunt avait été très heureux de le voir, que tous deux avaient passé ensemble une excellente journée et que le visiteur était reparti le lendemain matin. Quel autre incident insolite vous a ensuite frappé dans la conduite de Mr. Asher ? Questionna Mr. Exley. Jetant un regard triomphant au vieil homme de loi, qu'elle considère à présent comme son ennemi personnel, le témoin continua. Peu de temps après le départ du professeur Quell, j'ai entendu un boum retentissant dans la chambre de Mr. Asher. J'ai frappé et lui ai demandé ce qui s'était passé. Il m'a dit d'entrer et je le trouvais habillé, assis près de la table avec un tambour sur les genoux. « Un tambour !» s'exclama le substitut en se redressant brusquement sur son siège. « Un tambour, votre honneur !» confirma Mr. Exley en s'inclinant très bas. Le substitut fronça les sourcils comme si cette découverte ne lui plaisait pas le moins du monde et fit signe au témoin de continuer. Très fier de l'effet produit par sa déposition, la gouvernante ajouta vivement « Avant que j'aie pu prononcer un seul mot, il a frappé très fort, plusieurs fois, sur son tambour et m'a expliqué que je devrais désormais répondre à ce signal. Puis il appelait les autres domestiques et indiquait à chacun les signaux auxquels il devrait répondre. A-t-il ainsi utilisé le tambour jusqu'à l'époque et après l'époque de la rédaction du testament ? Oui, répliqua le témoin. Et Mr. Exley annonça qu'il n'avait plus aucune question à lui poser. Après avoir, à voix basse, échangé quelques brèves paroles avec son assistant, Mr. Butterworth procéda au contre-interrogatoire du témoin. « À votre avis, » demanda-t-il en premier lieu au témoin, « le professeur Quell pouvait fort bien être à la gare le soir où votre maître a envoyé un véhicule à sa rencontre ?»« Le garçon d'écurie ne l'a pas ramené et a dit qu'il n'était pas là, » répondit le témoin avec une certaine raideur. « Mais, à votre connaissance, il pouvait fort bien être là ?» insista Mr. Butterworth. « J'aimerais demander à M. l'avocat défendeur quel but il espère atteindre en posant de telles questions. » coupa furieusement Mr. Exley. Sa question est diffamatoire et constitue une attaque voilée à l'intégrité de mon client. « Je ne me livre à aucune attaque voilée, monsieur, » répliqua brutalement Mr. Butterworth. « Je déclare ouvertement que la veille de Noël, vers la fin de l'après-midi, Reuben N. Asher a reçu de la gare une communication téléphonique d'un homme qui s'est dit son neveu et a demandé que la voiture de promenade attelée avec 3 chevaux vienne le chercher dans le but de faire une bonne blague à un ami qui visitait le pays pour la première fois. » Le poing de Mr. Higgsley s'abattit sur sa table et il déclara « Ceci est une insulte, votre honneur. Je demande que monsieur l'avocat défendeur produise des témoins capables de soutenir ces assertions ou qu'il les retire. » « Avez-vous des preuves à l'appui de vos dires ?» questionna sévèrement le substitut que la barbe grise du demandeur avait favorablement impressionné. Mr. Butterworth soupira. « L'employé qui était de service ce soir-là au bureau téléphonique de la gare a disparu, dit-il, et je n'ai pu le retrouver. Il a disparu, tout comme le garçon d'écurie. » En prononçant ces derniers mots, il se retourna et sourit au visage congestionné de son adversaire. « Votre honneur, ceci... « Ceci est un infâme sous-entendu !» s'étrangla l'avocat demandeur. « Il insinue que j'ai fait disparaître un témoin. J'exige qu'il se rétracte. » « Je ne suis certainement pas en faute pour avoir constaté un simple fait, » dit doucement Mr. Butterworth. « L'employé a disparu, ainsi que le garçon d'écurie. »« Messieurs, je vous en prie, » dit le substitut mal à l'aise, « tenons-nous en fait se rapportant à cette affaire. » Mr. Butterworth retourna vers le témoin. N'est-ce pas un fait que le jour où il a envoyé le garçon d'écurie à la gare, votre maître avait eu une conversation téléphonique avec quelqu'un, sous la foi de votre serment, oui ou non? Avant que Mr. Higgsley ait eu le temps de formuler une objection, le témoin se replia visiblement dans sa coquille et répondit par l'affirmative. Et n'est-ce pas encore un fait, donna le vieil homme de loi en menaçant le témoin atterré d'un index vengeur, que vous avez entendu les réponses de votre maître? Non, ce n'est pas vrai, nia énergiquement le témoin. Et n'a-t-il pas dit qu'il enverrait la voiture et 3 chevaux parce qu'en effet, ce serait une bonne plaisanterie à faire au nouveau venu que de lui laisser croire qu'on utilisait toute l'année des véhicules à roues, même avec 60 cm de neige, dans le voisinage de la maison Asher? Non, il ne l'a pas dit, s'écria triomphalement le témoin. Mais comment savez-vous qu'il ne l'a pas dit, si vous n'avez pas entendu la conversation? S'informa le vieil homme de loi d'une voix suave. « Eh bien, mais parce que je ne pense pas qu'il l'ait dit, » bégaya le témoin. « C'est mieux, quoique totalement impropre, » dit Mr. Butterworth en souriant. « Passons maintenant au tambour. Ne savez-vous pas que Mr. Asher était passionné de musique, qu'il avait joué de la caisse roulante dans sa jeunesse, et que jusqu'à un âge avancé, il avait passé des heures à répéter avec la fanfare du village ?»« Je savais qu'il aimait beaucoup la musique, » admit le témoin après quelques secondes d'hésitation. « Et ne savez-vous pas que le professeur Quell, son neveu, lui avait apporté le tambour comme cadeau de Noël et lui avait suggéré de l'utiliser pour appeler les domestiques au lieu de la sonnette habituelle ?»« Votre honneur, » intervint Mr. Higgsley de sa voix la plus dramatique, « je m'élève contre cette attaque indirecte à l'honorabilité de mon client. » Monsieur l'avocat défendeur l'accuse pratiquement d'avoir comploté pour obtenir l'octroi frauduleux des biens du défunt alors qu'il est uniquement ici pour défendre ses droits contre cette jeune femme qui tentait par l'appât de l'or. « Nous ne voilons aucune de nos accusations, votre honneur, » explosa Mr. Butterworth. « Nous affirmons ouvertement que Reuben N. Asher a été entouré de bizarreries et d'excentricité par cette personne qui espérait profiter de sa conduite apparemment désordonnée pour s'emparer du contrôle de sa succession. » Nous répétons que le testateur n'a jamais agi d'une manière irrationnelle, sauf après quelques visites de son affectueux neveu, et que son intellect était aussi clair et lucide que le mien, lorsqu'il a fait ces choses en lesquelles, n'en connaissant pas l'origine, les domestiques et les étrangers ont cru voir des symptômes d'un esprit défaillant. Voilà de bien dures paroles, messieurs, leur rappela le substitut en maniant vigoureusement son maillet. Je vous prie de cesser immédiatement cette discussion ridicule et de poursuivre les interrogatoires des témoins. Le vieil homme de loi s'assit, et Mr. Higgsley, réellement furieux à présent, exprima le désir de poser une autre question au témoin actuellement sur la sellette. « Parlez-nous de la lettre, Miss Tubbs. » Un jour, je l'ai trouvé en larmes, avec une feuille de papier à la main. Il m'a dit qu'il venait de recevoir une lettre d'un hôpital, lui apprenant que sa nièce y avait été transportée, grièvement blessée. Je lui ai pris des mains la feuille de papier, et elle était complètement blanche. il n'y avait pas un seul mot décrit dessus. Je la lui ai montrée et il a paru bouleversé, mais il a persisté à dire qu'il venait d'en prendre connaissance. « Avez-vous d'autres questions à poser au témoin ?» gouailla Mr. Exley. « Non, » répliqua lentement Mr. Butterworth, « mais je suis très heureux d'apprendre ce dernier fait. Inutile, je suppose, de demander au témoin si elle croit qu'un expert chimiste puisse préparer un papier ou une encre de telle façon qu'un message écrit y soit passagèrement visible et disparaisse ensuite sous l'action de la lumière. « Nous avons terminé, votre honneur, » dit Mr. Exley. « Je demande une suspension d'audience jusqu'à demain. Afin de pouvoir procéder à l'audition de notre principal témoin, le docteur Elisha W. Pinkey, actuellement en voyage et qui ne sera pas de retour avant ce soir. » dit Mr. Butterworth. « L'audience est suspendue jusqu'à demain matin, » annonça le substitut. Presque tous ceux qui, depuis le début, avaient suivi le développement du procès étaient persuadés que la déposition du docteur Pinkey constituait le point crucial de l'affaire. Son témoignage déciderait de la victoire ou de la défaite de Miss Asher. Le docteur Pinkey était célèbre dans tout le pays en tant que médecin aliéniste et l'on se souvenait de nombreux cas similaires où son témoignage avait été déterminant. Il était évident d'autre part qu'en raison de la disparition de deux témoins, Mr. Butterworth ne pourrait soutenir sa thèse d'un complot habilement ourdi pour entourer le défunt de toutes les apparences de la faiblesse mentale. Et bien que le vieil homme de loi eût adroitement combattu les divers points marqués par son adversaire, il n'avait offert aucune preuve à l'appui de ses soupçons. Mais si l'aliéniste se prononçait catégoriquement à la barre en faveur de la défendresse, le demandeur aurait fort à faire pour conserver l'avantage que lui avaient acquis les témoignages des domestiques. Car le docteur Pinkey était un homme dont la parole était inattaquable, l'opinion incorruptible. En temps ordinaire, Mr. Butterworth et son peloquace assistant se fussent fiés implicitement à leurs témoins et eussent considéré les débats précédents comme autant d'inoffensives escarmouches n'eût été la conduite de Mr. Exley à l'ouverture de l'audience. L'avocat du demandeur se promenait de long en large à l'intérieur de son enclave, mais son attitude trahissait plutôt une attente pleine d'exultation que le moindre malaise. Le fondateur de l'agence spécialisée dans les litiges épineux n'eut pas besoin de le regarder une seconde fois pour comprendre son état d'esprit. Et lorsque Zephel lui souffla, Exley a l'air très sûr de lui. Il se contenta d'acquiescer sans mot dire, puis il médita un instant et observa. Il est persuadé de nous avoir dupés d'une manière quelconque et pourtant il connaît le poids de notre témoin. Je me demande ce qu'il manigance. Je me demande vraiment ce qu'il manigance. Le substitut s'assit à sa place et après un bref entretien avec le greffier, fit signe à Mr. Butterworth de commencer. J'attends notre témoin, votre honneur. Son bureau nous a informé qu'il serait ici vers 10 heures. Le voilà, dit Jeffel, d'une voix rauque de soulagement. Le docteur Pinkey était un homme corpulent, d'apparence colérique, dont le maintien dénotait un personnage habitué à imposer sa loi en toutes circonstances. Il était la terreur des hommes de loi chargés de l'interroger et le savait. En conséquence, lorsqu'il pénétra dans la salle du tribunal, un léger sourire de cynisme détendait son visage énergique et il regarda vivement autour de lui pour découvrir l'identité de l'avocat adverse. Mr. Butterworth conduisit immédiatement son témoin à la barre, où le substitut l'accueillit chaleureusement. Cette cordialité de la cour envers le témoin eût dû logiquement éveiller l'inquiétude de Mr. Exley, mais il se contenta de sourire avec bonne humeur en regardant son adversaire d'un air amusé. Le professeur Quell, dans son coin obscur, se pencha en avant, les yeux brillants, comme s'il s'attendait à voir se produire quelque chose de sensationnel. La table de la presse aiguisa ses crayons, et tous les journalistes firent signe à leurs messagers de se tenir prêts à emporter la première copie. Le docteur Pinkey répondit aux questions préliminaires par de courts abois péremptoires, comme si toutes ses demandes concernant ses noms, prénoms, âge et occupations l'eussent profondément ennuyé, et se montra plutôt arrogant lorsqu'il dut justifier de sa qualité d'expert. Puis devant le substitut rayonnant, sous les regards convergents d'un public admiratif et impressionné, il expliqua de quelle manière il avait rendu visite à Mr. Asher la veille du jour où celui-ci avait procédé à la rédaction de son testament. La journée ayant été accordée aux domestiques pour leur permettre de s'amuser dans certains camps de récolte de sucre d'érable situés sur la propriété, le témoin était arrivé tôt dans la matinée et avait emmené le testateur faire une longue randonnée. Tous deux avaient passé la journée en plein air, à l'exception de l'heure du déjeuner qu'ils avaient pris ensemble au Country Club. Ces observations professionnelles de la journée avaient permis au docteur Pinkey de déclarer le défunt absolument qualifié pour rédiger son testament ou traiter n'importe quelle affaire avec le plein contrôle de ses facultés. Aurait-il été possible que ses facultés subissent du jour au lendemain un changement suffisamment sérieux pour l'empêcher de rédiger son testament avec toute la lucidité désirable? Demanda Mr. Butterworth en jetant un coup d'œil méfiant dans la direction de l'optimiste Mr. Higgsley. Non, monsieur, dit le témoin d'une voix claironnante. Impossible, à moins d'une forte commotion. J'ajoute que j'ai passé la nuit sous son toit, qu'il était parfaitement normal le lendemain matin, et que lorsque je l'ai revu 2 jours plus tard, il était entièrement sain d'esprit. La table de la presse mania fiévreusement ses crayons, et Mr. Butterworth conclut. Je ne vois pas d'autres questions à poser au témoin. Lorsque, bloc-note au poing, Mr. Higgsley se leva à son tour, le témoin se raidit et sourit méchamment. Il avait l'habitude de ces rencontres qui l'amusaient toujours énormément. Il pensait que, selon le mode habituel de procédure, l'avocat demandeur avait dû se préparer au contre-interrogatoire sous la tutelle de quelque autre aliéniste. Bien des avocats avaient déjà essayé de le battre sur son propre terrain et il brûlait de se ruer à la curée. Revenons au jour où vous êtes revenu avec Mr. Asher de ce délicieux voyage en traîneau. Commença Mr. Higgsley. Êtes-vous allé vous coucher de bonne heure ou êtes-vous resté debout plusieurs heures après que votre hôte se fût retiré? Le témoin ne put réprimer un léger tressaillement et après un instant d'hésitation répondit froidement « Je suis resté dans le fumoir plusieurs heures après que mon hôte se fût retiré. » « Les fenêtres de cette pièce donnent bien sur un champ, n'est-ce pas ?» continua l'avocat demandeur. « Le témoin n'est pas ici en qualité d'expert architecte, » rappela Mr. Butterworth en étudiant attentivement son rival. « Je ne vois pas quel rapport présente cette question avec notre affaire, » dit le substitut perplexe. « Mais s'il le sait, le témoin peut répondre. »« Elle donne sur un champ, » répondit le témoin avec une expression de contrariété. « Et tout en fumant, vous êtes mis à la fenêtre et vous avez regardé le paysage, n'est-ce pas ?» insista l'avocat demandeur. « Le docteur Pink a été appelé en tant qu'aliéniste, » protesta gravement Mr. Butterworth. « À quoi voulez-vous en venir ?» s'informa curieusement le substitut. « Je compte établir que ce témoin n'est pas compétent pour rendre un diagnostic d'expert sur la condition mentale de Reuben N. Asher, » répliqua audacieusement Mr. Higgsley. Le tour de l'hôtel de ville eut-elle traversé la place et invité la statue de la justice qui se dressait devant le tribunal à venir faire une promenade, que la cour et le reste de l'assistance n'eussent pas été plus abasourdis. Mr. Butterworth fut le premier à se remettre de cette attaque et comme il n'y avait rien d'autre à faire, il déclara. « Je suis très désireux d'entendre mon collègue tenter d'établir l'incapacité du témoin. L'étude de ce mode de procédure ne peut manquer d'être fort intéressante. » Mais en dépit de l'assurance narquoise exprimée par ce défi, le vieil avocat ne pouvait se défendre d'une certaine inquiétude. Pour une raison inexplicable, le docteur Pinkey ne paraissait nullement disposé à relever le gant. « Avec la permission de la cour, je vais tenter de satisfaire mon collègue, » reprit l'avocat demandeur. Et d'une voix grave, inexpressive, il demanda « Docteur, je veux que vous me disiez ce que vous avez vu en regardant par la fenêtre. Rien qui vous parut inhabituel, extraordinaire ?» Le témoin passa sa langue sur ses lèvres sèches, tandis que la salle d'audience, haletante, retenait son souffle et, finalement, répliqua d'une voix morne « J'ai cru voir une autruche, étendue dans la neige. » Le substitut recula contre le dossier de sa chaise et tira vaguement sur le bord de sa robe. « Sténographe, relisez la réponse, » ordonna-t-il enfin. « J'ai cru voir une autruche étendue dans la neige, » lut docilement le sténographe. « Grand Dieu !» octa le substitut. « Une autruche ?» murmura Mr. Higgsley, aussi calmement que s'il avait été tout à fait naturel de voir des autruches dormir dans la neige hivernale. « Et quoi encore, je vous prie ?» J'ai vu la silhouette d'un homme bras en croix, murmura le témoin en essuyant la sueur qui coulait sur son front. Et près de lui, un énorme cœur, c'est-à-dire un cœur schématique, comme ceux qui sont dessinés sur les cartes envoyées le jour de la Saint-Valentin. Le témoin veut-il dire qu'il a vu une sorte de carte de la Saint-Valentin? s'écria le substitut stupéfait. Lorsque l'avocat demandeur et les sténographes se furent employés à éclaircir les idées de son honneur, le premier nommé continua. « Et qu'avez-vous vu encore ?» Le témoin frissonna. « J'ai remarqué le mot fou, imprimé sur la neige, en grosses lettres, confessa-t-il avec difficulté. Le regard de la cour se figea sur le témoin. Seuls Mr. Exley et Mr. Butterworth paraissaient jouir encore de leur plein sang-froid. « Et qu'avez-vous fait ?» reprit Mr. Exley. « J'ai été bouleversé, » répondit le témoin. « J'ai pris une lanterne dans l'écurie et je suis sorti pour voir de quoi il s'agissait. » « Et alors ?» l'encouragea Mr. Exley. « Qu'avez-vous trouvé ?»« Rien, » grogna le témoin. En dehors de quelques traces de pas, la neige était intacte. Il n'y avait rien sur la neige. Sans attendre les questions suivantes, il rapporta rapidement qu'étant retourné à la maison, il avait rencontré à la porte de service le professeur Quell, qui était arrivé après le départ de son oncle pour sa randonnée en traîneau. Le professeur Quell lui avait demandé ce qu'il faisait dehors à cette heure tardive et s'était étonné de son agitation. « J'ai demandé au professeur de m'accompagner jusqu'au fumoir où j'ai vu pour la seconde fois les mêmes objets sur la neige. Je l'ai appelé à la fenêtre et lui ai demandé de me dire ce qu'il voyait. Il a paru très surpris et m'a dit qu'il ne voyait rien de plus que de la neige. N'est-il pas probable que les objets que vous avez aperçus étaient le résultat de simples jeux d'ombre ?» suggéra la cour d'un ton plein d'espoir. « Il n'y avait ni lune ni ombre à cette heure, » répliqua le témoin avec lassitude. « C'est tout, » dit Mr. Exley. « Je demande à présent que toute la déposition de ce témoin soit rayée du procès-verbal, étant donné qu'il est manifestement incompétent pour fournir un diagnostic d'expert dans cette affaire. « Un instant, » dit doucement Mr. Butterworth. « Je veux demander au témoin s'il a une explication quelconque de son aventure. « Je ne puis que l'attribuer à un mirage, une illusion d'optique, » admit tristement le témoin. « Cela ne m'était jamais arrivé auparavant et ne m'est jamais arrivé depuis. » Après avoir été abusé par votre propre vue, alors que votre esprit aurait dû être calme et parfaitement lucide, prétendez-vous être certain de ne pas vous être trompé dans votre jugement sur la condition mentale de Mr. Asher ? Demanda Mr. Exley. « J'ai dû être victime de quelque désordre mental éphémère !» cria le témoin hors de lui. « Mais je persiste à dire que Mr. Asher était sain d'esprit et capable de traiter n'importe quelle affaire. » J'insiste pour que le témoignage soit maintenu, intervint sérieusement Mr. Butterworth. Un homme peut fort bien être trompé par ses sens en une occasion isolée sans que tout son intellect en soit affecté. Jamais deux témoins ne donneront des descriptions semblables d'une même scène. Nous sommes constamment abusés par nos sens. Les yeux de Dr. Pinkey l'ont trompé un instant, mais son esprit était aussi vif que jamais et il a instantanément décelé l'aberration, faisant preuve en la circonstance d'un degré de perception supérieur à celui de la moyenne des êtres humains. Et cependant, peu de personnes en liberté voient des autruches et des cœurs et des moins imprimés sur la neige du mois de mars, coupa sarcastiquement Mr. Exley. C'est une affaire très sérieuse, Mr. Butterworth, observa la cour d'une voix endeuillée. « Avez-vous d'autres témoins pour corroborer ce que ce témoin vient de nous dire au sujet de la condition mentale de Mr. Asher ?»« Hélas non, votre honneur, » admit à regret Mr. Butterworth. « Il y avait plusieurs semaines que je n'avais pas eu l'occasion de causer avec le témoin, et la seconde partie de son témoignage constitue pour moi une énorme surprise. Je savais seulement qu'il était un excellent ami de Mr. Asher et qu'il l'avait observé de très près. » « Alors j'ai bien peur de devoir rayer sa déposition du procès-verbal en raison de l'incompétence du témoin, » s'excusa le substitut. S'il avait cru voir un homme rôder autour de la maison, ou un traîneau, enfin, quelque chose d'approprié au voisinage, désertique, à la saison, mais une autruche, n'est-ce pas ?»« Je demande à la cour de reporter la décision à huitaine, » déclara Mr. Butterworth. Il est possible que dans l'intervalle, monsieur l'avocat demandeur et moi-même atteignions quelques compromis, tendant à une solution amiable de l'affaire et rendant inutile toute nouvelle déposition. Je serais très heureux que la cour veuille bien accorder cette latitude à mon collègue Mr. Butterworth, acquiesça Exley en se frottant joyeusement les mains, car la pétition du vieil homme de loi contenait la promesse implicite de la reddition. Tandis que le vétéran réunissait ses papiers, Jeffuel chuchota. « Croyez-vous qu'ils acceptent un compromis ou demanderont-ils leur moitié légale ?»« grogna Mr. Butterworth, sourcil noué, en jetant quelques notes sur un calepin. « Passez à la bibliothèque de documentation avant de rentrer au bureau et rapportez-moi les éléments de physique de Gano, traduction d'Atkinson, ainsi que tous les ouvrages sur la chimie du professeur Quell. » La semaine suivante fut, pour Mr. Butterworth, une semaine fort occupée. Bien qu'aux yeux anxieux de son assistant, ses activités parurent se borner à des courses mystérieuses faites aux heures les plus indues. Entre autres choses, il ordonna à ses domestiques de préparer pour quelques-uns de ses amis un repas confortable qui serait servi dans sa maison de campagne. Jeffwell ne se souvenait d'aucun autre cas où la maison de campagne eût été ouverte en plein hiver. Miss Asher était venue au bureau pour envisager avec son avocat la possibilité de se présenter à son tour à la barre des témoins. Mais le vieil homme de loi n'avait pas informé son assistant de ce qui avait été décidé sur ce point. En fait, il s'était abstenu de mentionner le testament jusqu'à ce qu'il observât, dans le courant de l'après-midi qui précéda la réouverture de l'audience. Il insiste pour dire que ses yeux l'ont abusé, mais qu'il a rejeté leur témoignage. S'il est assez rationnel pour déceler une aberration de son sens visuel, comment peut-il être déclaré incompétent pour rendre un diagnostic d'expert ? Vous vous souvenez du cas de la troisième personnalité d'Hiram Tanker ? Le rappela Jessuel. Votre position dans ce litige a établi un précédent qui aujourd'hui pourrait être cité contre vous. Mais pourquoi ne vous avait-il pas informé de son étrange aventure ? Il avait honte, répliqua Mr. Butterworth. Il espérait qu'on ne le questionnerait pas sur ce point. Il lui a fallu dire la vérité lorsque Rixley l'a questionné, parce qu'il est foncièrement honnête, et que Roscoe Squall était au courant de son aventure. De toute manière, je suis heureux qu'il n'y ait aucun ressentiment entre le professeur Quell et moi. Nous sommes de bons amis maintenant, grâce à la médiation de Rixley. Cette information n'apaisa nullement l'esprit outragé de Jessuel, et ce fut avec une mauvaise humeur évidente qu'il changea de sujet de conversation. Quels sont les ordres pour le dîner de ce soir ? Rien de spécial, sauf d'être là à 6h30 précise. Ce sera un dîner sans cérémonie. Le substitut, Mr. Rixley et le professeur Quell, sont au nombre des invités. Ce sera une excellente occasion de régler nos petits différends. Une fois seul, Jeffrey grommela. S'il croit que ce dîner va réduire les demandes de l'opposition, il se trompe du tout au tout. Je me demande s'il sait que Rixley s'est vanté en public de ne pas accepter pour son client moins de la moitié de la succession. Quelles qu'aient pu être les intentions de Mr. Butterworth en organisant ce dîner, ses invités prouvèrent qu'il les présumait aimables en se présentant chez lui, visage épanoui, avec une scrupuleuse exactitude. Le substitut était heureux car cette invitation démontrait que, bien que persuadé que le jugement de demain serait prononcé contre sa cliente, le vieil homme de loi ne lui en tenait pas rigueur. Mr. Butterworth avait fait savoir à l'avocat demandeur que, renonçant à tout compromis, lui et sa cliente s'en tiendraient à la décision de la cour, et Mr. Rixley était de charmante humeur. Quant au professeur Quell, il était littéralement fasciné par la cordialité de son hôte, et le dîner semblait presque avoir été organisé en l'honneur du célèbre demandeur. Après le potage, Mr. Butterworth profita d'un court silence pour donner à l'un des domestiques de relever les stores, ajoutant d'un ton facétieux. Par une étrange coïncidence, cette pièce est orientée vers le nord, tout comme le fumoir de Reuben N. Asher. Les conditions atmosphériques et climatiques sont sensiblement les mêmes ce soir qu'en cette nuit mémorable il y a environ un an. Si le docteur Pinkett était parmi nous, je me demande s'il aurait encore les mêmes visions. Le professeur Quell et son assistant rirent cordialement de ce qui semblait être, de la part de Mr. Butterworth, un aveu de résignation à l'inévitable, tandis que le substitut souriait faiblement, ne sachant s'il devait continuer à jouer son rôle officiel ou adopter une attitude mi-sérieuse, mi-enjouée, qui conviendrait peut-être mieux à l'atmosphère de ce dîner. Les autres invités admirèrent et commentèrent à mi-voix la manière gracieuse avec laquelle le vieil homme de loi reconnaissait sa défaite. Mr. Butterworth mit à profit un second silence pour s'adresser au professeur Quell. À propos, professeur, voudriez-vous avoir l'amabilité de me dire à combien de causes peuvent être attribuées les divers phénomènes de phosphorescence ? La fourchette du professeur Quell s'arrêta à mi-chemin entre son assiette et sa bouche. Ses yeux s'écarquillèrent, stupéfaits, puis se rétrécirent. Il regarda attentivement son interlocuteur et répliqua « 5 ». C'est bien ce qu'il me semblait, murmura M. Butterworth. Et comment les classez-vous, si je puis me permettre de vous le demander ? Je les classe de la même manière que Gano, répondit calmement le professeur. Il y a la phosphorescence spontanée qu'on rencontre chez certaines plantes et certains animaux. La phosphorescence par élévation de température, plus particulièrement observée dans certaines espèces de diamants, et surtout dans la chlorophane, une variété de spat fluor qui, chauffée à 300 ou 400 degrés, devient brusquement lumineuse et émet une lumière bleu verdâtre. Merci, merci, s'écria Mr. Butterworth, tandis que les autres invités feignaient poliment de s'intéresser à la discussion. Vous avez grandement rafraîchi ma mémoire. La cause suivante est la phosphorescence par effet mécanique, telle que le frottement, la percussion, le clivage, constaté par exemple lorsqu'on frotte deux morceaux de quartz l'un contre l'autre, dans l'obscurité, ou qu'on brise un morceau de sucre. Par ma foi, j'ai l'impression que mes études chimiques ne datent que de hier. Voyons, quatrième cause, la phosphorescence par production d'électricité comme celle qui résulte de la friction du mercure contre les parois du tube d'un baromètre. Je parie, monsieur le substitut, que vous ne vous souvenez pas aussi bien de votre chimie. Non, en effet, reconnut le substitut en riant de bon cœur. Mais vous n'êtes qu'un vantard. Vous n'avez pas encore terminé. Le professeur a parlé de cinq causes. Nommez la cinquième à présent. Mr. Butterworth tripota son menton, l'air perplexe, à la grande joie de ses invités, et finalement abandonna la partie. Je la connais, mais je n'arrive pas à m'en souvenir. Il faudra que le professeur vienne une seconde fois à mon secours. Pensif, le professeur Quell caressa délibérément sa courte barbe et demeura silencieux un bon moment avant de répondre. La cinquième cause est la phosphorescence par isolement ou exposition au soleil. Un exemple, je vous prie, jeta gaiement le substitut. D'un ton pédagogique, le professeur continua. Après avoir été exposé à l'action des rayons solaires ou à la lumière diffuse de l'atmosphère, un grand nombre de substances organiques émettent dans l'obscurité une certaine phosphorescence. Par exemple, le papier sec, la soie, le sucre de canne, l'ambre et les dents. « Bravo !» applaudit Mr. Butterworth. « Savez-vous que j'adore la chimie et que j'ai toujours regretté de ne pas m'être tourné vers elle au lieu d'avoir fait mon droit ?» Il n'y a rien de prosaïque dans la chimie, pas d'ornière, pas de routine, pas de sentier battu par vos prédécesseurs. Tous les chimistes sont des explorateurs. Mais je constate, professeur, que vous avez laissé de côté l'un des effets de phosphorescence les plus universels de la rubrique numéro 5. Mon énumération n'était nullement limitative, répondit vivement le professeur. Mais de quoi veut parler notre hôte ? Souligna Mr. Exley. Je veux parler de la neige, répliqua lentement Mr. Butterworth d'une voix retentissante. Le professeur Quell se renversa sur son siège et regarda l'homme de loi avec une intensité scrutatrice qui n'eût pas manqué de susciter quelques commentaires si le maître d'hôtel à cheveux blancs n'avait à cet instant précis jeté l'assistant dans la confusion en criant tout à coup « Oh, venez voir aux fenêtres, messieurs, je vous en prie, regardez, regardez !» Avec une exclamation étouffée, Mr. Butterworth repoussa sa chaise, les autres l'imitèrent et derrière lui coururent aux fenêtres. « Que se passe-t-il ? Place à la cour ! Je vais vous donner mon opinion. Grand Dieu ! » explosa le substitut. Il recula d'un pas, battit rapidement des paupières et de réchef aplatit son nez contre la vitre. Une salve d'interjections et de questions stupéfaites s'éleva des têtes agitées à mesure que les dîneurs incrédules plongèrent leurs regards dans la nuit extérieure. Puis le maître d'hôtel éteignit les lumières pour qu'ils puissent encore mieux voir et toutes les bouches béèrent devant la silhouette d'une gigantesque autruche qui, juste sous les fenêtres de la salle à manger, paraissait sous les traces d'un énorme squelette humain. Plus loin, en lettres noires sur le fond blanc grisâtre de la neige, s'étalait cette question insidieuse « Sommes-nous tous fous ?» et, ce qui donna lieu à de nouvelles conjectures, la réponse suivante « Lisez, phénomène hivernaux de Quell. » « Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie ?» s'exclama Mr. Exley, dont le cœur chavirait à l'idée que ce dîner pourrait bien avoir été organisé pour des fins beaucoup moins innocentes qu'il l'avait cru de prime abord. « Dieu du ciel, une autruche !» bégayait le substitut en se frottant vainement les yeux. « Seigneur !» s'écria un jeune avocat debout derrière une autre fenêtre. « Venez ici, je vois un éléphant. Et voici un lapin, poursuivi par un crocodile. » cria une troisième personne. « Est-ce possible ? » balbutia le substitut. « Sur mon âme, tout ceci n'est qu'une mise en scène. Vous êtes plus soupçonneux que le pauvre docteur Pinkey, » dit cordialement Mr. Butterworth en redonnant de la lumière. « Il s'est cru victime d'une véritable aberration. Mon Dieu, mais où est le professeur Quell ?» Un rapide regard circulaire n'amena pas la découverte de ce docteur personnage. « Ah, quel dommage. Il a pris peur et s'est enfui. Étant donné que j'ai puisé mes idées dans son livre sur les phénomènes hivernaux, il aurait été juste qu'il fût encore là pour en recevoir tout le crédit. « Qu'est-ce que tout cela signifie, Mr. Butterworth ?» demanda Mr. Hixley d'une voix rauque. La disparition de son client l'avait complètement désarçonné. « L'ouvrage du professeur Quell nous informe que l'action de la lumière solaire sur la neige crée une phosphorescence. » expliqua froidement Mr. Butterworth. « La neige est l'une des substances qui deviennent phosphorescentes dans l'obscurité après isolement ou exposition aux rayons du soleil. Le professeur Quell suggère d'étendre une couverture sur la neige par un beau jour ensoleillé et de l'ôter au coucher du soleil. N'ayant acquis aucune phosphorescence, le carré de neige isolé de la lumière solaire gardera sa forme exacte dans l'obscurité et tranchera sur le fond phosphorescent d'alentour. Si l'on s'approche du carré obscur, il subsiste et on a l'impression exacte de regarder une ombre noire. On peut le mesurer avec exactitude. Mais si l'on s'en approche, en revanche, avec une lanterne allumée, il disparaît et on ne trouve rien de plus que de la neige blanche. « Et à quoi nous mène cette clownerie, monsieur ?» s'informa Mr. Hixley, enroué et blême de rage. On commence à comprendre qu'il avait été dupé depuis A jusqu'à Z. Elle donne une explication rationnelle du témoignage extraordinaire du docteur Pinkey, répondit calmement Mr. Butterworth. Elle explique de quelle manière il a pu voir certaines choses sur la neige et en trouver la surface intacte lorsqu'il est sorti pour se rendre compte de leur nature. En bref, une personne désireuse d'infirmer le témoignage du docteur Pinkey, dans une circonstance telle que le litige qui vient d'opposer le professeur Quell à Miss Asher, a profité de l'absence des domestiques et de Mr. Asher lui-même pour disposer sur la neige, sous les fenêtres du fumoir, des silhouettes probablement découpées dans du papier ou du carton. Ces silhouettes furent enlevées avant le retour des divers occupants de la maison. Et lorsque la nuit s'est graduellement épaissie et que les grandes étendues de neige se sont mises à diffuser la lumière fantôme emmagasinée au cours de la journée, les endroits recouverts par les silhouettes de carton n'ont pas eu de phosphorescence à diffuser. Le docteur Pinkey a vu les choses qu'il a énumérées devant le tribunal et en est venu à condamner son propre intellect. « Est-ce possible ? » s'exclama le substitut. « Il est non seulement possible, mais déplorable que le professeur Quell ait utilisé son grand savoir pour tenter de voler une jeune fille, » précisa emphatiquement le vieil homme de loi. « En outre, j'ai retrouvé l'employé du téléphone et le garçon d'écurie. Par eux, je puis prouver que Quell lui-même a téléphoné de la gare, suggérant l'attelage et la voiture de promenade, qu'il a apporté le tambour à Mr. Asher et qu'il a écrit la lettre informant le vieillard que sa nièce était dans un hôpital à l'article de la mort. Il s'est servi d'une solution de chlorure de cobalt, invisible sur du papier sec et dans une température normale. Il a payé le garçon d'écurie qui portait le courrier pour chauffer la lettre dans le four afin qu'elle soit parfaitement lisible lorsqu'il la remettrait à Mr. Asher. Mais lorsque la gouvernante a rejoint son maître, l'écriture avait à nouveau disparu. « C'est monstrueux !» commença Mr. Hixley d'une voix faible. « C'est monstrueux !» Et je suis heureux de proclamer que Mr. Hixley croyait en l'honnêteté de sa cause, annonça Mr. Butterworth. « Mais nous allons nous munir de lanternes et réaliser jusqu'au bout l'expérience faite par le docteur Pinkey. Il doit être lavé de sa propre accusation et entièrement réhabilité aux yeux du public. » La cour déclare le témoignage du docteur Pinkey parfaitement digne de créance et qu'il doit être maintenu. Le greffier fournira à ces messieurs de la presse une communication pleine d'intérêt destinée à rendre justice au docteur Pinkey. Avez-vous d'autres éléments à soumettre à l'appréciation de la cour, Mr. Hixley ? Pas le moindre, votre honneur, répliqua tristement Mr. Hixley. La cour déclare en conséquence que les objections n'étant pas soutenues par les faits, les objections sont entièrement repoussées et le testament de Reuben N. Asher définitivement ratifié. Messieurs, la séance est levée. » Ainsi s'achève, toute preuve en main, par Hugh Pendoxter.